Bali au matin. L'une est pour les vivants, comme un enchantement. L'autre parle aux défunts, la nuit de la Toussaint. La lune est là. De quartier en quartier, son manège est lassant, elle fait son sale métier. L'autre va croissant, et toujours embaumant les jardins du quartier. L'une enfin déployant sa robe de pétale devant l'une passant, fait éclipse totale. La lune est là. Seul point commun.